Les larmes sont le sang de l'âme. J'ai toujours une arme en fond de gamme. Avant de me faire plomber, que je crève, je dois essayer de dompter mes rêves. Faudra que tu t'appliques si tu veux notre bif. En un clic on te fait sauter le soutif. Fais ce que tu peux, je vais pilonner au mortier. Tu ferais mieux d'apprendre à avorter. Rime sale, ballers. Crime, mal, honneur. À l'heure dans le building, chez nous pas de breadline. C'est la dalle qui donne l'heure. J'attends pas qu'on m'aide, passons. Je viens du bled pour la moisson, pute. Bouffe et boisson à foison. Pas de remède, il n'y a que du poison. Que du poison comme recycler la poudre pour remplir des douilles. Pendant que ton équipe attend la gicle et passe son temps à vider des couilles. Malhonnête mais pieux. S'il plaît à Dieu, un jour je sécherai les larmes et les torrents, les rivières derrière les fenêtres de mes yeux. Je me prends au cou de mes rêves, fais la guerre, fais la trêve. Dans ma chanson y'a autant de mélodies que y'a d'être sur la terre. Tout comme mes congénères, j'aime tout ce qui est éphémère. Père et mère peuvent rien y faire, c'est le paradis. Où l'enfer, le paradis. Où l'enfer, le paradis. Où l'enfer. Père et mère peuvent rien y faire, c'est le paradis. Où l'enfer, le paradis. Où l'enfer, le paradis, où l'enfer. Père et mère peuvent rien y faire. Personne ne peut rien y faire. Chaque matin, un nouveau problème est naissant et blessant. Je m'endors et me lève avec mon fer. Il est comme moi, feignant et méchant. Faire du sale, quelle que soit la saison. Te mettre une balle dans le foie, le caisson. Je m'en bats les couilles de donner la bonne réponse. Je veux juste avoir raison. Je sors des cratères, à cette heure-ci, rien d'autre à faire. Nique ta mère par derrière, j'ai avalé l'hostie de travers. Depuis la cour, au couloir, j'ai dû courir pour tout avoir. Je sais que le pouvoir de l'amour n'est rien face à l'amour du pouvoir. Mon pire ennemi est dans le miroir, revoir ma Côte d'Ivoire. Tout est écrit dans le grimoire, le temps est gris noir, difficile d'y voir. C'est le son de la classée, juste laisse-nous passer. Ton sang est déjà glacé, seul ton ADN peut me tracer. Au cou de mes rêves, fais la guerre, fais la trêve. Dans ma chanson y'a autant de mélodies que y'a d'être sur la terre. Tout comme mes congénères, j'aime tout ce qui est éphémère. Père et mère peuvent rien y faire, c'est le paradis. Où l'enfer, le paradis. Où l'enfer, le paradis. Où l'enfer. Père et mère peuvent rien y faire, c'est le paradis. Où l'enfer, le paradis. Où l'enfer, le paradis. Père et mère peuvent rien y faire. Personne ne peut rien y faire. Double rotor agressif. Et je prends même plus le périph'. Je sais qu'ils tournent comme tes seufs. Je sais qu'ils tournent comme les keufs. Je sais que l'or sera molli. Et que l'argile durcit. Je sais que je suis mal poli. Et que je ne mérite pas mon sursis. Plutôt que d'avoir un grand cœur, je préfère avoir un grand palace. Car tu prends ta race le jour où les balles sortent du FAMAS avec rancœur. Je fais un hug à mes négros. Bison, Mikey et Popo. Mehdi, Pecoli, Goyo, Shell, Mi et Koto. Numéro 1 quand ça kickera. Numéro 2 d'Al-Qaïda. Je leur bouffe la schneck pour Mardi Gras. Si tu valides pas, on te fatiguera. Je monte sur le ring, dis bonjour au king. Dis au revoir au bling bling, bling bling. Je ferai du sale tant que la mort cérébrale ne sera pas sur le monitoring. Je me porte au cou de mes rêves. Je fais la guerre, fais la trêve. Dans ma chanson y'a autant de mélodies que y'a d'être sur la terre. Tout comme mes congénères, j'aime tout ce qui est éphémère. Père et mère peuvent rien y faire, c'est le paradis. Où l'enfer, le paradis. Où l'enfer, le paradis. Où l'enfer. Père et mère peuvent rien y faire, c'est le paradis. Où l'enfer, le paradis. Où l'enfer, le paradis.